et je ne t'ai pas présenté, Otto, mais tu es toi aussi, tu es doctorant en sociologie et santé publique, à l'IRIS à Paris et au CESTIM à Marseille, notamment sous la direction de Gabriel Girard, si je ne dis pas de bêtises, et de Laure Pitty à Paris. Bon, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir parmi vous, d'être venu ce matin et d'avoir organisé cette journée. Alors, dans la présentation que je vais faire, il va être question des relations entre la cause contre le VIH-Sida et la cause des personnes trans. Donc, sur une période assez étendue, du début des années 80 au milieu des années 2010, avec un fil rouge qui va être la question de l'argent et des financements. Pour que ce soit clair, avant de continuer, quand je parle de personnes trans, je fais un petit point sur ça, je parle des personnes qui se reconnaissent pas ou pas totalement dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance, au sens de sexe comme catégorie sociale et administrative. L'intervention que je vous présente ce matin, elle est issue de ma recherche de doctorat qui est en cours et qui porte sur le croisement entre la cause du VIH-Sida et la cause des personnes trans sur la période 79-2017 et qui s'intitule provisoirement « Quand la lutte contre le VIH et le mitiotisme se rencontre, une histoire croisée de la cause du VIH et de la construction de celle des personnes trans en France ». De 79 à 2017. Donc là, le travail, il reprend cette période, pas exactement à deux années près, mais voilà. C'est un travail qui est en cours, donc je vous présente à ce stade des pistes d'analyse que je vais être amené à reprendre, à compléter, préciser. Et ma recherche, elle est du coup au croisement de la science politique, de la sociologie et de la santé publique, et je m'appuie sur des méthodes socio-historiques. Donc notamment sur des archives, c'est des archives d'organisation de personnes trans, des trois grandes associations de lutte contre le VIH-Sida, donc c'est AID, ACT UP et ARCAT, et des archives des institutions de santé, comme le ministère de la Santé et les directions départementales de l'action sociale et sanitaire, les DAS, qui étaient avant les agences régionales de santé. Et je croise ces archives avec des entretiens, avec des acteurs de l'époque, donc de ces trois types d'organisations. Voilà, à ce stade, j'ai à peu près fait environ 35 entretiens et j'ai l'objectif d'en faire une cinquantaine. Alors, quand j'ai commencé l'enquête, je suis parti sur une recherche à l'échelle de la France. Et j'ai progressivement resserré mes recherches sur la ville de Paris parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop à étudier à l'échelle de la France dans le cadre d'un doctorat, ce qui n'était pas d'entrée de jeu une évidence, même si ça paraît comme ça, parce que c'était un sujet qui est mal connu, et y compris aussi au niveau des archives qui sont disponibles. Donc ça a été déjà une première surprise et un premier résultat. Et dans le temps de mes premières recherches, j'ai constaté qu'il y avait des mobilisations pour la cause des personnes trans sur cette période-là, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nîmes, également à Saint-Étienne, avec la création en 81 de l'AMFAT, qui était l'association médicale d'aide aux transsexuels. Donc, faisant le constat d'une multitude de recherches qui étaient possibles, j'ai fait le choix de me focaliser donc sur une seule ville, Paris, qui est un peu sans surprise, mais qui m'a paru intéressant parce que c'est une ville qui concentre à la fois le plus d'associations de personnes trans et quasi en continu sur la période, parce que c'est là que siègent les principales associations de lutte contre le VIH, donc je redis AID, ACT UP et AID, ACT UP, ARCAT, et aussi parce qu'il y a toutes les institutions de santé au niveau local, mais aussi national, comme l'INPES, Santé publique France, le ministère de la Santé, l'Agence française de lutte contre le sida dans les années 90. Et donc ça fait de Paris un espace en fait, où les interactions entre ces différentes organisations, elles sont denses et elles sont quasi continues. Et donc ça en fait un terrain d'enquête qui est tout à fait propice pour un peu défricher ce champ-là. Et voilà, donc c'est un peu pour justifier un peu le parisianocentrisme de ma recherche. J'espère que vous aurez quand même toujours envie de m'écouter. Alors, et pour cette communication, j'ai décidé donc de m'intéresser à l'argent et au financement. Et la question qui guide, donc c'est bon, qui finance la cause des personnes trans, mais surtout c'est qu'est-ce que le financement de la cause par le monde du VIH-Sida fait à la cause des personnes trans, et dans quelle mesure ces financements ils contribuent à reconfigurer l'espace de la cause trans. Donc par cause des personnes trans, à ce stade, j'entends les mobilisations qui ont lieu au sein et en dehors des institutions publiques en faveur des droits à l'égard des personnes trans. Donc c'est le droit à la vie, pas être torturé, pas être emprisonné, le droit à l'éducation, à la santé. Et sur la période sur laquelle je travaille, la cause des personnes trans, elle s'est beaucoup construite sur deux, autour de deux questions. C'est la question de l'accès aux outils de transition, donc hormones, chirurgie, changement d'état civil, et l'accès aux outils de prévention du VIH-SIDA et à la prise en charge de qualité pour les personnes trans vivant avec le VIH. Mon intérêt pour la question des financements, elle est née de trois choses. Alors d'une part, dans ma vie, après un master en sciences sociales et en santé publique, j'ai travaillé à Paris sans SIDA, où j'avais un poste où je m'occupais de la comptabilité, entre autres. Et je m'occupais aussi de faire les demandes de financement et d'attribuer des subventions à des organisations. J'ai constaté l'importance que cet enjeu il avait. Et j'ai aussi participé avec des échanges avec des financeurs et donc faire l'expérience de ces relations qui sont assez particulières. Et d'autre part, dans mon enquête, quand j'ai commencé à faire des recherches et voir quel document d'archives, sur quel document je pourrais m'appuyer, en fait, j'ai constaté que les documents comptables, ces documents qui ont souvent été conservés, notamment par les organismes financeurs, pour des raisons légales, mais aussi assez souvent, pas tout le temps, mais par les associations qui ont reçu des financements. Donc ces documents comptables, c'est des demandes de subventions, des projets qui accompagnent les demandes de subventions, les budgets d'associations, et puis aussi parfois des comptes rendus de réunions, qui est autour de cette question des financements et des subventions. Les subventions, c'est une des manières de financer les activités des associations, à côté d'autres modalités. Il peut y avoir le paiement des adhésions par les membres, il peut y avoir des dons, et puis il y a des organisations tout simplement qui ne fonctionnent pas avec de l'argent. Mais cette présentation, elle va se concentrer dans sa majeure partie du coup, sur les organisations qui demandent et reçoivent des financements. C'est une approche qui permet de capter les relations entre financeurs et financés, et notamment les relations avec les principales organisations de lutte contre le VIH et les relations avec, avec les institutions de santé publique. J'étudie la question des financements un peu comme des espaces de mobilisation. Et je trouve que c'est un moyen intéressant pour pister les modalités d'émergence des personnes trans comme un problème public. C'est une entrée qui est particulièrement adaptée, je trouve, dans le cadre de la lutte contre le VIH, parce que c'est un monde qui a charrié des sommes d'argent très importantes, souvent traçables, en continu, en tout cas jusqu'en 2017. Et donc les documents comptables, c'est donc des matériaux qui sont assez abondants, qui peuvent être mis en série et analysés. Pour autant, l'approche en termes de financement, elle a quand même des limites parce que c'est des documents qui sont parcellaires, la disponibilité, elle est quand même irrégulière. Parfois, je n'ai pas eu accès aux documents parce que la question de l'argent, ça peut être sensible, tout ça. Ou en tout cas, je n'ai pas encore réussi à avoir accès. Parfois, j'ai tiré des fils et puis je me suis retrouvé dans des espaces. Mais bon, ça peut aussi être des sources d'informations, comme j'y reviendrai. Alors pour cette présentation, je vais suivre un plan chronothématique. Je vais commencer par une courte partie sur les années 80, un peu pour planter le décor et puis aussi pour montrer que c'est une décennie avec des mobilisations en pointillés, avec des archives qui sont également en pointillés, mais pas que. Dans la deuxième partie, je vais me focaliser sur les années 90 avec une comparaison entre deux organisations qui se créent au même moment. Il y en a une qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le VIH et l'autre non. Et je vais poursuivre l'analyse avec la question avec la mise en place de SIDAction, qui est un financeur privé et qui politise la question des financements à partir de 1994 et va jouer un rôle important dans la cause des personnes trans. Dans la troisième partie, je vais m'intéresser aux années 2000 et à la remise en cause d'un certain cadrage politique de la question des personnes trans et qui va aboutir à la transformation des priorités nationales de lutte contre le VIH et qui a un impact sur les financements. Ce que j'apporterai dans la quatrième partie, ça va aller parfois un peu vite, mais voilà, sur les années 2010 et les effets de transformation de ces priorités sur l'espace de la cause trans à Paris. Donc il s'agit des années 80. Donc les années 80, elles se situent après les années 68 et la décennie contestataire des années 70 en France. Le début des années 80, c'est un moment important quand on s'intéresse à l'histoire des personnes trans, parce que c'est un moment de renforcement de la répression à l'égard des travestis et transsexuels. Que j'inclus dans la grande catégorie des personnes trans. En 1975, la Cour de cassation elle interdit les changements de mention de sexe à état civil. Et en 1976, il y a un grand procès qui se tient à Carpentras contre une dizaine de médecins généralistes prescripteurs d'hormones et qui aboutit en 1982 à leur condamnation. En parallèle, il y a des médecins des centres hospitaliers universitaires qui mettent en place des protocoles pour verrouiller l'accès aux hormones et aux chirurgies, filtrer les personnes au compte-gouttes et les dissuader de transitionner au moyen de thérapie de conversion, ce que j'ai pu voir dans des archives qui ont été conservées au ministère de la Santé. Sur le plan politique, les travestis et transsexuels, ils sont isolés à ce moment-là. Les relations avec les organisations gays et lesbiennes, elles se rompent à la fin des années 70 et il subsiste quand même des liens à la marge qui permettent aussi de capter les tentatives d'organisation collective qui sont éphémères, mais qui sont rapportées par un magazine homosexuel de l'époque qui s'appelle Gay Pied Hebdo. Mais j'ai pas eu assez d'éléments pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces organisations qui ont possiblement pas laissé de documents. Mais il y a quand même deux exceptions. D'une part, c'est l'AMFAT, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est du coup l'Association médicale française d'aide aux transsexuels, qui est fondée à Saint-Étienne par une femme transsexuelle et médecin. Et puis, il y a le Centre du Christ Libérateur, qui est fondé à Paris en 1976. Donc l'AMFAT, c'est une organisation qui est restée connue à ce jour, enfin pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire des personnes trans, notamment parce qu'il y a eu des interventions télévisuelles et dans la presse en 83 et 84. Donc c'est une personnalité qui est assez médiatique et donc il reste des traces dans les journaux et à l'INA. Mais par contre, j'ai pas réussi à avoir accès à des documents internes. Je sais pas où sont les archives. Peut-être que peut-être y en a ici qui le sauront, ni sur les modes de financement. Par contre, pour le Centre du Christ Libérateur, c'est un peu différent, parce que j'ai pas pu retrouver de documents internes, mais c'est un centre qui a créé de nombreuses archives et il y a beaucoup de documents qui sont éparpillés jusque dans la New York Public Library. Ce centre, il est tenu par une personne qui s'appelle le pasteur Doucet, qui est un prêtre homosexuel et protestant et qui a longtemps travaillé en partenariat avec l'Université libre protestante d'Amsterdam et notamment avec un endocrinologue hollandais qui est à cette période-là très connu et qui est spécialiste des personnes trans et qui est aussi président du Centre du Christ Libérateur à Paris. Et le centre, donc, il est à Paris et d'après les informations que j'ai tirées des archives et des entretiens, c'est un lieu, à cette époque, un lieu qui est très important, un lieu de sociabilité et d'information pour les personnes qui cherchent à transitionner dans les années 80 et qui est aussi principalement fréquenté par des femmes transsexuelles et francophones. Bon, les archives de cette organisation, elles sont perdues, mais il y a quand même des documents qui permettent de pister des financements qui ont l'air de venir donc d'organisations protestantes suisses et hollandaises, mais c'est des recherches qui n'ont pas abouti. Néanmoins, il y a un courrier du planning familial que le pasteur Doucet il envoie au planning familial, en tout cas qui a été retrouvé dans les archives du planning familial en 90 et qui a été envoyé à d'autres organisations et pour lesquelles il les invite à participer à un événement, notamment parce qu'il y a l'accueil par rapport à l'endocrinologue hollandais qui vient. Dans cette lettre, il aborde la question du VIH parmi les personnes transsexuelles, donc qui est le terme de l'époque, ainsi que la toute nouvelle agence française de lutte contre SIDA, qui vient d'être créée par le ministère de la Santé pour financer la prévention du VIH-SIDA à l'échelle nationale. Mais quelques mois plus tard, le prêtre il est assassiné et les actions du Centre du Christ Libérateur à destination des transsexuels s'arrêtent. Et je fais l'hypothèse que si les actions du centre elles avaient perduré, le centre aurait probablement reçu des financements de la FLS. Et étant donné le profil des personnes qui fréquentent le centre, ça aurait probablement conduit à des cadrages différents de la manière dont la construction du VIH-SIDA et des personnes trans s'est construite. Mais il n'y a jamais eu de rencontre entre la FLS et le Centre du Christ Libérateur. Donc voilà, pour les années 80, on capte qu'il y a une cause des personnes trans en pointillé dans un contexte de forte répression. Et les organisations, possiblement, ne reçoivent pas de financement. Et il n'y a pas encore de lien, on dirait, avec les organisations de lutte contre le VIH-SIDA. En tout cas, je n'en ai pas retrouvé les traces dans les années 80. Pour autant, à la fin de cette période, le jeu il va changer parce qu'il y a plusieurs sources de financement qui se mettent en place, à la fois au niveau public et privé, et qui vont transformer l'espace de la cause contre le VIH-SIDA et aussi la cause des personnes trans. Les années 90, l'espace de la cause trans à Paris voit se créer des nouvelles organisations, dont la comparaison elle me paraît assez intéressante, je vais un petit peu développer sur ça. C'est la création du PAST en 93 pour prévention action santé pour les travestis et transsexuels, et d'autre part l'ASB, l'association du syndrome de Benjamin en 94. Le PAST il est créé par une médecin transsexuelle et brésilienne, Camille Cabral. Dans les premières années, l'organisation, ce n'est pas une association qui est indépendante. Elle est hébergée par l'Association nationale de réadaptation sociale, qui est un peu un équivalent du NID. Et ensuite avec par aide qui est un des interlocuteurs principaux de l'État et qui reçoivent des subventions. Et cet hébergement par ces deux organisations, ça permet de recevoir des financements pour le PAST directement au moment de sa création par l'Agence française de lutte contre le SIDA. Donc cette agence, elle est créée par le ministère de la Santé en 89 et un de ses objectifs, c'est de développer un espace associatif de la cause du VIH-SIDA à l'échelle nationale et de financer cet espace pour prévenir l'expansion de l'épidémie et puis la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc le PAST, il se crée dans ce cadre-là et il s'adresse aux personnes travesties et transsexuelles qui exercent le travail du sexe dans le bois de Boulogne, où il y a de nombreuses personnes de nationalité étrangère et des Outre-mer. Et c'est en raison du cadrage prostitution et des risques que cela implique en termes de santé sexuelle que le PAST reçoit des financements de la part de l'AFLS. C'est pas en tant qu'association de personnes trans ça aurait pu être classé autrement, mais du coup c'est par le cadrage prostitution que les financements sont attribués. En même temps qu'il y a des financements qui sont attribués au PAST, il y a aussi des financements qui sont attribués à d'autres actions dans d'autres villes à Paris pour faire de la prévention en direction des personnes travesties et transsexuelles qui exercent le travail du sexe. Par exemple, à Lyon, il y a le programme Cabiria qui est à ce moment-là hébergé par l'Amicale du Nid avant de s'autonomiser. Et puis le projet Saint-Charles à Marseille, à l'initiative d'Aide-Provence qui va lui aussi s'autonomiser. Mais le PAST, il a quelque chose de différent par rapport à ces organisations, c'est qu'en fait, il est conduit par des personnes travesties et il s'adresse travesties et transsexuelles et il s'adresse quasiment uniquement aux personnes travesties et transsexuelles. C'est cet axe-là qui en fait une association, une organisation qui est différente et c'est aussi cette organisation du coup qui initie le croisement entre cause contre le VIH/SIDA et la cause des personnes trans. Au sein de la cause du VIH/SIDA, donc le PAST fait tout simplement émerger la cause des personnes trans. Mais le PAST, il contribue aussi à transformer très profondément l'espace de la cause des personnes trans. Parce qu'il fait émerger la question du VIH-SIDA et aussi à travers elle la cause des travailleuses du sexe, la cause des personnes étrangères, la cause des personnes pauvres et la cause des personnes qui sont exclues des protocoles hospitaliers de transition de genre. Et donc là, le PAST, il joue vraiment un rôle de cheville ouvrière et il va le faire pendant des années entre la cause des personnes trans et la cause du VIH-SIDA. Tout en reconfigurant les passes des personnes trans. Donc son ancrage dans la cause contre le VIH, il se renforce en 1994 quand le PAST rejoint AIDE, qui, comme l'a dit Lucille, est une des principales associations de lutte contre le VIH en France. Ces financements, ils sont utilisés pour salarier des personnes travesties et transsexuelles, donc il y a un processus de professionnalisation qui est immédiat et pour l'achat d'un véhicule pour conduire des actions de prévention. Ces financements, ils ont aussi pour conséquence de créer des liens directs entre le PAST et l'AFLS. Et une des fonctions de l'AFLS, c'est non seulement de financer des actions de prévention, mais c'est aussi de produire les premiers programmes de lutte contre le VIH-SIDA à l'échelle nationale et de mettre en lien les organisations financées avec d'autres financeurs publics. De cette façon, et possiblement pour la première fois, il y a des personnes travesties et transsexuelles qui deviennent des interlocutrices directes des institutions publiques de santé. Et ce sont des personnes trans qui sont parmi les plus marginalisées des personnes trans, qui sont aussi marginalisées au sein de la cause trans. Et donc ça fait une modalité, un moment qui est important et un moment où émerge la cause des personnes trans au sein des institutions de santé en France. À partir de 1995, la FLS, elle est absorbée par la Direction générale de la Santé, au ministère de la Santé. Et donc le PAST devient un interlocuteur du ministère de la Santé lors des réunions, et notamment et principalement autour de la question des financements. Donc pour moi, c'est un moment de rupture dans l'histoire de la cause trans, parce que à cette période-là, c'est les seuls interlocuteurs directs du ministère de la Santé au sujet des personnes trans, ce sont les médecins des centres hospitaliers universitaires qui verrouillent l'accès aux transitions. Donc il y a des nouvelles catégories de personnes qui sont des personnes travesties, transsexuelles et qui sont les plus marginalisées dans l'espace de la cause trans. Ces deux catégories ne vont pas avoir la même légitimité au sein du ministère. À titre de comparaison et pour donner du relief à la description de cette rupture, il y a l'association du syndrome de Benjamin qui se crée quasiment au même moment, en 1994. Donc, à l'inverse du PAST, ce n'est pas un programme, c'est une association directement qui est indépendante et elle est héritière du Centre du Christ Libérateur, notamment parce que c'est des personnes qui fréquentaient le Centre du Christ Libérateur qui la mettent en place. À la différence du coup qu'elle s'est dirigée par des personnes trans alors que le Centre du Christ Libérateur n'était pas dirigé par des personnes trans. Parmi ces quelques personnes, des hommes transsexuels. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça. Et l'objectif initial, c'est le Centre du Christ Libérateur. Comme le Centre du Christ Libérateur, c'est d'être un lieu de convivialité et d'information. Mais d'après les entretiens que j'ai faits avec plusieurs personnes de la direction à l'époque, il n'a jamais été envisagé de faire des demandes de subvention. Je trouve que ça éclaire sur deux choses concernant le financement. D'une part, c'est des personnes qui viennent des classes populaires. Deux sur trois n'ont pas le brevet des collèges et une a le bac, mais avec deux années de retard. Et on peut faire l'hypothèse que l'idée et l'action de demander des financements, c'est aussi socialement situé en termes de classe sociale. Ça nous renseigne aussi sur le champ des possibles de l'époque qu'il est fort probable qu'à cette période-là, il n'existe pas de source de financement public ou privé pour une association dont le but premier est de favoriser l'accès aux outils de transition et de lutter contre les maltraitances médicales dans ce cadre. Et suite à plusieurs entretiens que j'ai pu faire avec des personnes de l'AFLS et de la Direction Générale de la Santé des années 90, j'ai constaté que les personnes qui étaient en charge d'allouer les financements publics dans le cadre de la lutte contre le VIH étaient très conscient du verrouillage médical auquel les personnes qui souhaitaient transitionner devaient faire face. Cette conscience, elle a été visible notamment dans deux entretiens où les enquêtés ont exprimé leurs suspicions vis-à-vis des objectifs du PAST et des demandes de financement. C'est des enquêtés qui, au moment de l'entretien, émettent des doutes sur les risques d'exposition du VIH-SIDA des personnes travesties et transsexuelles et travailleuses du sexe que rencontre l'équipe du PAST. L'une d'entre elles, elle vient même jusqu'à contester les preuves d'une épidémie de VIH-SIDA au sein de ce groupe social, que j'appelle cette suspicion d'opportunisme quant aux demandes de financement du PAST pour lutter contre le VIH-SIDA. Elle vient révéler aussi la légitimité fragile de la cause des personnes trans et transsexuelles travailleuses du sexe au sein de l'espace de la lutte contre le VIH-SIDA. Cette suspicion vis-à-vis de la légitimité des demandes de financement, elle reconduit la frontière entre les personnes travesties et transsexuelles exerçant le travail du sexe avec les hommes homosexuels, y compris exerçant le travail du sexe, vis-à-vis de qui les deux personnes enquêtées expriment une affection quasi sans retenue à l'occasion de l'entretien et qui tranche vraiment avec la manière dont elles abordent les personnes trans. Néanmoins, les principales associations de lutte contre le VIH-SIDA, qui sont donc les principales interlocutrices des pouvoirs publics, et qui ont été créées par des hommes homosexuels, elles reconnaissent facilement la légitimité du PAST et de la cause des personnes travesties et transsexuelles et travailleuses du sexe dans l'espace de la cause contre le VIH. Donc il y a AIDE, comme je disais tout à l'heure, qui héberge le PAST en 94, ACT UP en 97 aide le PAST à trouver des locaux. Et ces relations, elles sont importantes pour la question des financements. Parce qu'en 1994, ces deux associations avec ARCAT et l'association des artistes contre le sida, ils vont fonder Ensemble contre le sida et organiser le premier SIDAction pour pallier à ce qu'ils considèrent être un sous-financement public de la cause contre le VIH-SIDA. Et donc cette politisation de l'argent et des financements, elle va jouer un rôle très important pour le PAST, qui, comme on l'a vu, c'est un acteur suspect aux yeux des financeurs publics. Lors d'un entretien que j'ai pu faire avec l'assistante de direction de Ensemble contre le sida de 94, qui est restée pendant plusieurs années, elle m'a reporté du coup ces formes de politisation des financements. Donc d'un côté, Ensemble contre le sida dénonce les financements publics, mais en fait, SIDAction et cette organisation, ils se retrouvent à jouer le rôle de garant pour des petites associations auprès des financeurs publics. Et dans cet épisode, elle me raconte qu'en 99, il y a plusieurs financeurs publics qui envisagent de cesser de financer le PAST. À ce moment-là, le PASS est devenu une association indépendante, elle n'est plus hébergée par Aide. Et elle me raconte que SIDAction renouvelle son financement au PASS et plaide auprès de la DGS, la Direction Générale de la Santé, et de la DAS, pour qu'ils maintiennent leur financement, ce qui finalement aura bien lieu. Cet épisode donc, il souligne à nouveau la fragilité, la légitimité du PASS, tout autant que la solidarité et l'engagement des principales organisations de lutte contre le VIH vis-à-vis du PASS. Sous un autre angle, on peut aussi lire cet épisode comme une mise du PASS sous tutelle des grandes associations de lutte contre le VIH, imposée par les financeurs publics, qui doutent également de la capacité du PASS à gérer de l'argent, ce qui est aussi une forme d'infantilisation. Pour autant, la cause des personnes trans au sein de la cause du VIH-SIDA, elle va s'ancrer et se reconfigurer au début des années 2000. Ça, c'était le document de, c'était un document du PASS, c'était un bilan du comment un bilan financier et aussi descriptif où on voit qu'il est mis en avant que c'est, il s'agit d'une recherche-action faite par des transsexuels et travestis, adressée aux transsexuels et travestis et menée par des transsexuels et travestis. Et c'était, ouais, je l'avais pas montré, mais c'était pour illustrer le fait que ça tranche avec avec d'autres organisations qui s'adressent elles aussi à ces catégories. Les années 2000, elles ouvrent une nouvelle période de mobilisation des personnes trans au sein de la cause du VIH-SIDA. Donc dans la décennie précédente, le PASS réussit à créer un sous-espace de la cause trans au sein de la cause contre le VIH-SIDA et réciproquement. Sa légitimité, elle est fragile aux yeux des pouvoirs publics, mais elle est entière au niveau des principales organisations de lutte contre le VIH qui ont développé un contre-pouvoir de financement. Pour autant, cette légitimité dans l'espace de la cause contre le VIH-SIDA, elle s'est construite autour des personnes travesties et transsexuelles exerçant le travail du sexe. Et c'est cette délimitation qui va être l'objet d'un travail au cours des années 2000 par des militants. Donc durant cette période, il n'y a aucune autre organisation de personnes trans à Paris qui va recevoir des financements publics ou des financements privés de SIDAction. Mais c'est une période d'intense mobilisation qui va avoir un rôle sur les financements par la suite. Donc à cette période, le terme pour désigner les personnes qui transitionnent se transforme à l'aune des échanges via Internet qui se développent avec les États-Unis. Et le terme transgenre remplace progressivement ceux de travesti et transsexuel qui sont associés par les militants aux médecins qui verrouillent l'accès aux transitions. Et qui sont progressivement et du coup ces termes ils sont progressivement discrédités dans l'espace de la cause trans. Donc ainsi dans les années 2000 le PASS change de nom, il passe de prévention action santé pour les travestis et transsexuels à prévention action santé travail pour les transgenres. Le principal lieu de mobilisation à cette période se fait au sein d'ACT UP que plusieurs personnes transgenres ont rejoint à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ces personnes, elles vont mener une action de plaidoyer, donc gratuitement, avec le temps dont elles disposent et les ressources d'ACT UP. Il y a une commission trans qui est créée à ACT UP au début des années 2000 et qui publie en décembre 2005 un texte intitulé « Trans et VIH, la communauté du silence ». C'est un document qui fait 4 pages, là j'ai juste mis la première page. Et ce texte, il invite à dépasser la représentation des personnes transgenres comme exerçant nécessairement le travail du sexe, sans pour autant discréditer ça. Et il vise à démontrer que les personnes transgenres dans leur ensemble conjuguent plusieurs risques d'exposition au VIH-SIDA et mobilisent aussi des études épidémiologiques états-uniennes. En juin 2006, ACT UP, à l'initiative de la commission trans, ils organisent une REPI, c'est donc les grandes réunions d'information, grandes dans le sens qu'elles sont connues, qui s'appelle Trans et VIH après le silence. Ouais, qui s'appelle trans et VIH. À ce moment-là, on voit souvent aussi apparaître le terme trans avec une apostrophe. C'est pas dans les titres, mais dans la suite, dans les mots quand c'est écrit. Parce qu'il s'agit de parler de l'ensemble des personnes trans qui transitionnent et ont transitionné, que les personnes se définissent comme travestis, transsexuels, transgenres, FTM, avec la volonté de s'extraire des catégories de pensée médicale qui distinguent ceux et celles qui ont réalisé une chirurgie génitale et qui ont désormais le droit de changer d'état civil, alors que cela demeure impossible pour les autres à cette période. Une des personnes de la commission trans qui va jouer un rôle important, c'est Hélène Azéra. C'est une figure du militantisme homosexuel des années 70. Elle a travaillé à Libération, comme plusieurs membres fondateurs d'ACT UP. À ce moment-là, elle est plus âgée que la plupart des militants d'ACT UP et elle est séropositive. Sa trajectoire et ses différentes caractéristiques, qui font sens au sein d'ACT UP à ce moment-là, contribuent à légitimer cette définition de la cause des personnes trans au sein de la cause de VIH. Même si Hélène Azéra enfin, la cause des personnes trans dans leur ensemble. Et Hélène Azéra, même si c'est la personne la plus connue, elle n'est pas la seule à s'engager sur ce terrain-là, mais elle joue un rôle aussi au sein d'ACT UP pour légitimer cette redéfinition. Donc la ligne de la commission trans, elle affirme que l'ensemble des personnes trans sont exposées au VIH-SIDA, tout en conciliant l'idée que les personnes trans exerçant le VIH, exerçant le travail du sexe, sont les plus exposées. Pardon. La commission, elle fait également le lien entre le risque d'exposition au VIH et le verrouillage de l'accès aux outils de transition. Ce qui est à ce moment-là nouveau, en tout cas de le porter autant, c'est nouveau. Et ça fait le lien entre les deux sous-espaces qui cohabitent au sein de la cause trans et qui, jusqu'à présent, on peut communiquer. D'ailleurs, c'est dans les années 2000 qu'il y a une circulation des militants trans entre, par exemple, l'association du syndrome de Benjamin. Il y en a plusieurs qui vont aller militer à ACT UP au moins un temps. Donc, c'est aussi un moment de circulation, ce qui est assez nouveau. À partir de 2010 et de 2006, pardon, donc c'est ACT UP et plus seulement la commission trans qui adopte cette ligne. Et la force de plaidoyer d'ACT UP se déploie aussi au sein des institutions de lutte contre le VIH. Parce que dans les années 2000, donc ACT UP, c'est un des principaux interlocuteurs des institutions publiques à l'échelle nationale, et sa ligne de force, c'est le plaidoyer. À ce moment-là, ACT UP s'appuie sur des étudiants ou des jeunes adultes qui sont passés par les grandes écoles comme Sciences Po, l'ENS, le HESS, et qui partagent aussi un habitus commun avec les actrices de la Direction Générale de la Santé, qui constituent à plusieurs égards le pôle intellectuel du ministère de la Santé. Cet investissement de la cause des personnes trans au sein de la cause contre le VIH-SIDA est aussi le produit d'une transformation de cet espace, parce que à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a un fort renouvellement des acteurs et des actrices du fait de l'arrivée des trithérapies, comme disait Lucille Gallarda, mais pas seulement. On constate à ce moment-là un changement dans les programmes nationaux de lutte contre le VIH qui sont édités tous les 2-3 ans, et qui sont produits par la DGS, avec un abandon progressif des actions en direction de la population générale, aussi parce que les financements publics pour la lutte contre le VIH s'amoindrissent à ce moment-là, suite à l'arrivée des trithérapies, et avec une focalisation sur les populations dites prioritaires. Cette tendance, elle est visible dès le début des années 2000, et elle va s'accentuer tout au long de la décennie, jusqu'à devenir très marquée dans le plan national de lutte contre le VIH, qui est élaboré en 2009, et pour la période 2010-2014. Donc suite à l'investissement de la commission trans d'ACT UP et des militants gays, des femmes hétérosexuelles et lesbiennes d'ACT UP sur la cause des personnes trans, et aussi du fait de la légitimation de cette cause dans des rapports qui sont commandés par la Direction Générale de la Santé, notamment à France Lerdt, qui est épidémiologiste, qui est une ancienne conseillère scientifique de la Direction Générale de la Santé, qui est elle-même militante syndicale, les personnes trans figurent à partir du plan de 2010 comme une population prioritaire à part entière. Dans cette mobilisation des années 2000, les personnes transgenres, elles ont été moteurs, mais souvent dans les coulisses, en dehors des institutions de santé publique. Et c'est seulement à la fin de la décennie que plusieurs d'entre eux deviennent des interlocuteurs directs des institutions de santé, aux côtés de Camille Cabral Dupast. Dans un processus où les militants d'ACT UP ont joué un rôle d'allié, de porte-parole et de tuteur. C'est aussi un contexte qui est marqué par une certaine volonté politique de mettre en place la démocratie sanitaire, surtout au niveau de la cause contre le VIH-SIDA, ce qui a contribué aussi à ouvrir les portes de la DGS. Cette transformation au sein de la cause contre le VIH, elle conduit à des transformations aussi sur les équipes hospitalières, sur le pouvoir des équipes hospitalières qui verrouillent l'accès aux transitions depuis la fin des années 70. Parce qu'en fait, au sein de la DGS, va y avoir des acteurs, parfois un ou deux, mais qui vont relayer le plaidoyer d'ACT UP et qui vont débloquer une inspection sur la prise en charge des personnes trans par l'ANAS, qui est l'ancêtre de la HAS, qui avait été demandée mais qui n'aboutissait pas depuis plusieurs années. Et donc après une décennie sans transformation majeure au niveau des financements, tous ces éléments y contribuent à créer une nouvelle configuration des relations entre les organisations de personnes trans, les principales organisations de lutte contre le VIH et les financeurs. Alors, dans une certaine mesure, c'était le plan national de lutte contre le VIH-SIDA. Et du coup, avec un encart sur la question des personnes trans, c'est pas le seul, parce que c'est vrai que ça paraît pas très grand comme ça. C'est à plusieurs endroits et dans les documents de préparation, c'est aussi des questions qui sont bien plus importantes que pour les autres plans qui ont précédé, même s'il y avait déjà des mentions des personnes trans, mais c'était plus ponctuel, parfois au détour d'un titre. Mais là, c'est vraiment développé. Dans les années 2010, c'est une période d'émancipation. C'est dans une certaine mesure une période d'émancipation de la tutelle des principales organisations de lutte contre le VIH-SIDA qui avait été instaurée par les pouvoirs publics dans les années 90 pour garantir la légitimité de la cause des personnes trans au sein de la cause contre le VIH-SIDA et pour garantir que ce n'est pas une cause opportuniste. En 2009, dans ce nouveau contexte, il y a deux nouvelles associations de personnes trans qui voient le jour à Paris. C'est Outrans et AcceptST. Contrairement au PAST et à la commission trans d'Act Up, ces deux associations, Outrans et AcceptST, donc elles se créent directement en tant qu'associations indépendantes. Ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des commissions au sein de AID ou au sein d'Act Up. Et elles obtiennent aussi, toutes les deux dans l'année qui suit leur création, des financements. Ce qui tranche par exemple avec la situation de l'association du syndrome de Benjamin dans les années 90, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces deux associations, elles sont à la fois différentes et très similaires. Elles sont différentes parce qu'elles sont créées par des personnes ayant des profils sociologiques très différents. D'un côté, des femmes trans, travailleuses du sexe, séropositives, qui n'ont pas la nationalité française. Et de l'autre, des hommes trans et des femmes cisgenres qui sont passés par ACT UP, plutôt diplômés et qui politisent notamment l'exposition du VIH-SIDA des hommes trans gays. Mais elles sont similaires aussi, déjà du fait du contexte dans lequel elles se créent, où la cause du VIH-SIDA et la cause de l'accès aux outils de transition, elle a été reliée. Et parce que dans les deux cas, c'est des associations où les acteurs qui les créent ont circulé dans les espaces de la lutte contre le VIH. Et donc, ces deux associations, elles portent les deux principales causes de la cause des personnes trans, de façon différente. Sur cette dernière partie, alors ACceptST, c'est une association qui est issue d'une scission au sein du PAST. C'est les membres de SIDAction qui finançaient déjà le PAST et ils soutiennent cette scission et les actrices qui la mettent en place cette organisation, mais pour autant le SIDAction il continue de subventionner le PAST, ce qui est aussi une des façons de politiser la question des financements parce que ça aurait pu, les deux organisations auraient très bien pu être mises en concurrence et les financements de l'un auraient pu effacer les financements de l'autre. Cette relation qui est déjà existante entre SIDAction et ACceptST est l'occasion pour les membres de SIDAction de rendre visible une autre manière de politiser la question des financements. En effet, il y a un des membres de SIDAction avec qui je n'ai pas encore fait d'entretien et dont je ne connais pas ses caractéristiques sociales, sa trajectoire politique, qui aide la nouvelle association d'ACceptST à monter un dossier de financement et qui leur transmet le savoir-faire nécessaire à la rédaction d'une demande de financement, ainsi qu'à la rédaction d'un rapport d'activité qui doit comporter des descriptions rédigées et des indicateurs chiffrés. Et cet appui méthodologique et ce transfert de connaissances, il est d'autant plus important que les fondatrices d'ACceptST ne sont pas francophones et n'ont pas eu accès aux études supérieures. Et jusqu'en 2017, ACceptST va être financée uniquement par SIDAction, avant de diversifier ses financeurs en 2018. Concernant Outrans, une partie des membres est passée par ACT UP et a fait des études supérieures, l'association fait une demande de financement auprès de l'INPES, donc c'est l'ancêtre de Santé publique France, pour la mise en place d'une campagne de prévention à destination de l'ensemble des personnes trans. Dans leur demande de subvention en 2010 comme en 2011, il a explicitement fait référence au plan de lutte contre le VIH de 2010. Il y a écrit « Inscription dans le cadre d'une politique publique ». Et là, il y a écrit « Plan national de lutte contre le VIH, programme de santé sexuelle et prévention du VIH-SIDA des IST de l'INPES et enquête IMSERN sur la santé sexuelle des personnes trans ». Du coup, on voit là que le fait de pouvoir s'inscrire dans des recommandations publiques, dans des politiques publiques, ça permet aussi de bénéficier de financement. Ce qui rend visible l'effet des actions de plaidoyer d'ACT UP et aussi de formation de ces acteurs. En 2015, il y a une scission qui a lieu à Outrance et qui aboutit à la création d'Espace Santé Trans, dont l'activité elle va se focaliser notamment sur la formation des professionnels de santé pour faciliter l'accès aux outils de transition et plus généralement l'accès au suivi médical, notamment sur les questions de santé mentale pour les personnes trans. Dans les documents que j'ai pu étudier, Et je suis désolé, je ne l'ai pas mis dans, le, dans les documents projetés. Espace centré trans, il y a, un compte-rendu auquel j'ai eu accès, où Espace centré trans prévoit de faire une demande de subvention en 2015. Et pour cela, ils envisagent de faire appel au CRIPS. Le CRIPS, c'est le Centre Régional d'Information et de Prévention sur le SIDA. Pour leur demander un soutien méthodologique pour la rédaction et la relecture de la demande de subvention qu'ils envisagent de faire. Ça, ça montre des liens qui se transforment et qui se perpétuent dans l'espace de la cause des personnes trans et l'espace de la cause contre le VIH-SIDA, même dans des organisations trans dont la lutte contre le VIH-SIDA n'est pas centrale et qui traduit la force des liens qui se sont construits entre ces deux causes au cours des années. Enfin, au début des années 2010, AIDE entre de nouveau en scène sur la cause des personnes trans. Cette fois, AIDE n'abrite pas un programme comme le PAST, mais finance du temps de travail pour coordonner les actions des associations de personnes trans à l'échelle nationale, au sein de la coordination santé trans. Mais ce rôle de coordination par AIDE est remis en cause après 7 ans, en 2017, et qui est suivi par la création d'une fédération des associations de personnes trans autonomes de AIDE et autonomes des autres associations de lutte contre le VIH-SIDA. Donc voilà, c'est un peu rapide, mais l'idée principale, c'est que dans les années 2010, on observe une autonomisation progressive des organisations vis-à-vis des principales associations de lutte contre le VIH. Pour autant, ces liens ils restent forts ces associations elles continuent d'être une ressource financière du côté de SIDAction, mais aussi une ressource qui devient de plus en plus souvent méthodologique concernant les demandes de financement. Et on voit aussi à cette période que la cause du VIH-SIDA, elle est partie intégrante de beaucoup d'associations de personnes trans, tout comme la cause de l'accès aux outils de transition. Voilà. Il n'en reste pas moins que l'importance de la cause contre le VIH-SIDA à l'échelle nationale et son soutien financier et méthodologique à la cause des personnes trans a permis la continuité des mobilisations des personnes trans de nationalité étrangère et les plus précaires et de leur donner du poids et du pouvoir dans l'espace de la cause des personnes trans et du VIH-SIDA, ce qui est assez inhabituel dans les mobilisations sociales pour être remarqué. Pour conclure rapidement, à la question qui finance la cause des personnes trans, la réponse est pas grand monde. Il n'empêche que le croisement au début des années 90 entre l'espace de la cause des personnes trans et celui de la VIH, du VIH va profondément transformer le premier. D'abord parce qu'il fait émerger une catégorie de personnes trans qui n'était pas présente dans les mobilisations en pointillés que j'avais remarquées dans les années 80 concernant la cause des personnes trans, à savoir les personnes trans exerçant le travail du sexe, souvent nées à l'étranger ou en outre-mer, et qui sont le plus souvent concernées par la pauvreté et en leur donnant du pouvoir. Ensuite, en donnant accès à des ressources financières pour mettre en place des actions de prévention et de prise en charge des personnes trans vivant avec le VIH, et du coup en créant une communauté politique. Et enfin, en permettant par les relations de financement d'accéder aux acteurs, actrices des institutions de santé qui étaient jusque-là inaccessibles, et notamment pour des personnes qui sont les plus exclues des protocoles hospitaliers d'accès aux transitions. Pour autant, ce n'est pas un hasard, j'ai l'impression, si les acteurs de la cause contre le VIH-SIDA ont été davantage réceptifs et plus tôt à la cause des personnes trans que dans toutes les autres sphères de la société, même si ça ne s'est pas fait sans résistance. C'est qu'au sein de la cause contre le VIH-SIDA, on retrouve des acteurs avec des trajectoires politiques ancrées à gauche et à l'extrême gauche, ce que j'ai retrouvé parmi mes enquêtés au sujet de la cause des personnes trans. Certains et certaines de ceux et celles avec qui je me suis entretenu ont participé à mai 68, au mouvement contestataire des années 70, traçant des filiations directes entre mai 68, les réflexions autour du pouvoir médical et la cause des personnes trans au sein de la cause contre le VIH-SIDA.